Nous sommes le 20 de Verdet 1131. Et vous continuez au rythme du quotidien. Ça fait maintenant 15 jours que vous avez vécu l'événement du quartier du sud des usines de Venise. Kornilov, tu en ressens encore les effets aujourd'hui. Ton corps retrouve sa force, son endurance, mais t'es encore faible par moments. Tu le sais et tu sais que malgré tout, tu ferais encore pâle figure si tu devais avoir une confrontation physique. Victor, de ton côté, ça fait une semaine que tu sors de la mise en galère que tu as vécue, notamment par les supérieurs, etc., qui t'ont mise à la gêne, de manière un peu violente pour essayer de voir les véritables faits. Par chance, ça s'est bien fini, mais malgré tout, tu as eu quand même des petites séquences mentales, tu as eu quelques difficultés à t'en remettre, et aujourd'hui, les choses vont quand même mieux. Tu retrouves quand même de ta force mentale qui, pendant un moment, t'avait quitté. Et depuis ces deux événements, bien des choses se sont passées. Les petites enquêtes, des relations qui naissent, des amis qui disparaissent. Ce genre de choses de la vie de tous les jours dans la ville métropolite. D'ailleurs, en parlant des choses de la vie, bien des choses se sont passées pendant ces derniers jours. Et nous allons faire un petit récapitulatif. Excusez-moi. Hugo, comme nous en avons discuté, tu as donc profité de ces derniers jours pour vraiment te concentrer, et tu me contredis à tout instant s'il y a besoin, te concentrer du coup sur une vie plutôt créative, notamment là, en allant voir des pièces, ce genre de choses, des expositions. Et niveau exposition, enfin niveau pièce, tu as surtout été bien servi étant donné que actuellement se joue une des pièces les plus classiques vénitiennes qui a tendance à revenir de manière cyclique comme ça dans la ville de Venise. Et donc tu as pu y accéder. C'est peut-être sûrement pas la première fois que tu y vas, mais il y a toujours ce petit plaisir vraiment de voir quelque chose que tu connais, mais aussi de pouvoir toujours montrer un peu que tes connaissances. Donc là-bas, tu as pu discuter, ce genre de choses. Aussi, ce que je tiens à dire, c'est que c'est toujours aussi intéressant de voir une nouvelle mise en scène, de voir comment mettre en scène, à interpréter la pièce. Et là, c'était assez intéressant, je trouvais, notamment sur le Deus Ex Machina, à la fin, qui me semblait être amené d'une manière assez novatrice. Mais enfin, je te laisse continuer. Voilà. Exactement. Mais il y a aussi autre chose que tu as fait. Tu en as profité aussi pour écrire ta propre pièce. On le sait, c'est quelque chose auquel tu aspires énormément. Et je vais te demander du coup de commencer la session par un jet de dés. En me faisant, s'il te plaît, un jet de création. Très bien. Alors du coup, c'est pas un jet de confrontation, donc de dés. Hop. Oui, il n'y a pas de confrontation. Tu te bats avec personne pour le moment. Je vais ouvrir ma fiche, évidemment. Hop, c'est alors. Hop, créativité, tu as dit. C'est ça. Ok. 2 et 6 plus créativité 2. 10. Pas mal, hein. Eh bien, tu as passé aussi ces derniers jours beaucoup à l'écriture. Faut avouer aussi que t'as été pas mal absent, hein. Je dérive un peu de ton groupe ces derniers temps. Et c'est vrai que au final, Hugo, entre sa remise en forme du côté des métropolites, n'a pas en fait encore pris le pli vraiment des conditions de travail de votre branche, de votre cellule. Et du coup, vu qu'il n'y a pas encore eu de réunion dans laquelle vous êtes partagé un peu les choses à faire, tu considères que si tes amis t'appellent pas d'urgence, c'est que il n'y a rien d'ultra important à effectuer. Et du coup, c'est pour ça que tu as autant vaqué à tes occupations, au plaisir ou pas, du coup, de tes amis. Dans tous les cas, ton exercice pour créer ta pièce, que bien entendu, tu ne vas pas finir en 4 jours, c'est énormément de travail, mais c'est des jours passés vraiment très, qui, c'est vraiment des jours passés de manière efficace. Vraiment, tu es en pleine inspiration en ce moment et ça se passe plutôt bien. Et donc, ta créativité marche plutôt bien. Ta pièce commence à prendre forme. Tu n'es pas dans une écriture encore pure et dure. Hein. Tu es bien sûr dans les étapes de préparation avant. Mais ça avance très bien et tu penses que à ce rythme-là, tu... Ouais. Peut-être d'ici la fin de l'année, ça pourrait être quelque chose qui se concrétise réellement. Si bien entendu, tu ne jettes pas le projet en cours de route. Autre donnée, avant de s'intéresser à une autre personne très précise, vous étiez prévenu hein, ces derniers jours, mais les meubles sont enfin arrivés pour le QG Indigo. Entièrement meublé pour le coup par Léonide Kremer, puisque vous lui avez demandé de le faire à votre place, chose qu'elle a gentiment acceptée malgré le fait qu'elle a une position un peu plus importante que vous, mais il semblerait que ça ne lui dérangeait pas plus que ça. Et pour le coup, du coup, vos trois étages ont été entièrement aménagés avec vraiment du coup un espace de vie, un espace d'accueil et un espace de rangement et de travail en groupe pour que vous puissiez vous retrouver, faire des réunions, mais aussi archiver ce que vous avez besoin d'archiver, sachant que les archives prennent des dimensions toujours raisonnables. Hein. Par exemple, les plaques, il faudra songer à un moment de les fondre, puisque certaines, beaucoup d'entre elles même peut-être, sont sûrement plus d'actualité, puisque ça fait plus de maintenant une lune hein, que vous les avez sur vous. Ceci étant dit, je ne détaillerai pas tout de suite, on pourra en parler en off, si vous voulez, un peu de l'habillage du QG. Quoi qu'il en soit, passons du coup à une autre personne, et passons à ce qui s'est passé du côté de Kornilov. Comme ça, je fais chacun des extrêmes. Alors, je note juste une petite information, excusez-moi. Voilà. Donc, Kornilov, tu as eu 4 jours très intensifs. Hein. Pour Kornilov, clairement, s'il n'y a pas une mission officielle à faire, c'est qu'il y en a plein d'autres actuellement. Et donc, il est toujours en rang de gérer à gauche, à droite. Visiblement, il commence à s'y faire au rythme et à avoir compris ce qu'on lui disait quand on disait que finalement, les métropolites ne s'arrêtaient vraiment jamais. Kornilov, bien des choses dont tu m'as parlé. Je ne sais même pas par quoi commencer. Si, je vais commencer par du coup le plus récent. Il va falloir que tu me fasses 2 jets de... attends, il faut que je regarde une fiche. Je l'ai sous les yeux là. Si je ne sais pas où je clique, ça ne va pas le faire. C'est Urba Technology. Sachant que tu peux avoir des bonus pour le premier jet, parce qu'en tout, il me faudra 2 jets. Pour le premier jet, si tu as des contacts au niveau de soit la très basse ville, soit au niveau de certaines guildes, mais je pense qu'au niveau guide, tu n'as pas ce qu'il faut. Je crois pas que ce soit spécialement le cas en très basse ville. J'attends, justement. Très bien. Eh bien, du coup, pas de bonus sur le premier jet. Si seulement tu avais contact. C'est dommage, j'en t'ai arrêté de 1. Ouais. Ce sera un autre jour. Ouais. Si seulement. Très bien. Et bah pour le deuxième G, tu peux faire un contact si tu as. Enfin, tu peux faire. Pardon, tu peux avoir des bonus si tu as dans tes contacts des métropolites au gradé. Alors, oui, ça compte. D'accord. Et oui. Ben, j'ai déjà au moins Ellie, même si je suis pas sûr que ce soit très haute non plus, mais j'ai toujours Alceo, c'est pas trop. Tout à fait. Donc j'ai un bonus. Mais... Oui, du coup, t'auras un bonus de plus 4 en tout. Et n'hésitez, mais alors surtout pas à vous faire des contacts. Hein. Et bien, avec le plus 4, ça me fait 13. 13, très bien. Bien. Eh bien, tu apprends pendant tes recherches, hein, je vais pas détailler tout ce que tu m'as dit, parce qu'il y a beaucoup d'étapes, etc., hein, je fais en résumé. Mais du coup, durant du coup, tes recherches, tu apprends enfin l'existence de qui est Madame Mencad. Cette Madame Mencad que tu cherches vis-à-vis d'une certaine plaque de mission, si je ne me trompe pas, c'est une métropolite, tout simplement, qui travaille tout simplement vraiment sur la communication. C'est une qui gère le plus ce genre de choses. Et pendant que tu te renseignes un peu, tu apprends que elle a plus vraiment besoin d'aide, quoi. Ça date d'il y a une lune. Entre temps, d'autres métropolites sont venus l'aider, et donc tu sais que là, pour le coup, quand tu t'es renseigné, les gens savaient qu'il y avait une plaque à son nom, donc ils s'en parlent très vite. Tu n'as pas beaucoup besoin de forcer pour comprendre que ça ne te mènera nulle part. Ensuite, et du coup, oui, pour parler quand même de ton premier jet qui est raté, mais pour ce qui est de Kaïm Lelouch, pour l'instant, tu n'as vraiment aucune piste qui te mène à lui. Tu es parti un peu te renseigner sur tes mécènes. Donc, Villevalente, sauf que, Villevalente, vous l'avez déjà plus croisé que Léonide Kremer. Et donc, je vais pas te faire de jet pour celui-là, parce qu'en vrai, ce sont des gens qui sont des milieux dans lesquels tu peux facilement accéder. Après, ça dépend à quel point tu as voulu te renseigner, mais je suppose que pour l'instant, tu cherches pas un sombre secret qui serait en train de cacher ou quelque chose du genre. Tu es plus un renseignement général. Pour le moment, je cherche pas à les descendre. Voilà. pour le moment. Eh bien, Léonide Kremer, pour commencer par elle, tu sais que du coup, c'est une femme antipolienne qui vient de Prague et qui est actuellement missionnaire pour l'antipolie. Et qui est notamment très connu pour du coup passer énormément de temps dans les hautes sphères de plusieurs empires et qui serait capable de faire vraiment influencer énormément de décisions à l'échelle de la toile. Elle a une certaine reconnaissance pour ça et c'est pas du coup si étonnant que ça, tu te dis qu'elle soit mécène de votre cellule qui, je rappelle, a pour but d'être une cellule neutre servant à régler les problèmes inter-empires. Donc au final, le fait qu'elle traîne là-dedans, connaissant sa position de missionnaire, tu te dis que c'est quand même plutôt cohérent et qu'elle met en fait en vous des pions bien utiles pour son boulot. Par contre, tu sais du coup qu'elle a une certaine... un certain lien envers l'antipoli qui va sûrement ne pas être très neutre. Bref, pour ce qui est de Villevalente, eh bien honnêtement, pardon, le message est rigolo. pour ce qui est de Villevalente, tu n'apprends pas plus de choses que ça par rapport à ce que tu savais déjà, que ce soit au niveau de son poste, etc. Villevalente n'avait pas tant de choses que ça pour l'instant à te révéler, du moins pas dans une recherche de surface. Ensuite, oui. Ensuite, je reviendrai à toi. Passons à Esther. Esther, est-ce que tu es là? Oui. Ok, c'est bon. Comme ça, on a ta voix, yes. On a pu faire le test. C'est parfait. Ma chère Esther. Donc, pareil, on va repasser un peu rapidement sur tout ce que tu m'as dit. Je ne vais pas détailler chacun des points. Pour des raisons évidentes, on se les règle. Si vraiment après vous avez des questions qui restent sur des points précis que peut-être là j'ai pas pensé à répondre, vous me le dites et je vous y réponds en privé parce qu'en soi je considère que tout ça a quand même existé. Pour ce qui est de tes informations sur tes supérieurs, ton entreprise, ton usine, pour utiliser le bon terme, ton usine est encore d'actualité, elle est toujours ouverte. D'accord. Et. Aucune rumeur pour l'instant tourne sur le fait qu'elle soit vraiment visée. Par contre, il y a une incompréhension totale de ce qui est en train de se passer. Et visiblement, il y a eu un choix qui a été fait au niveau des concernes de Venise qui visiblement, ont l'air de prendre une certaine ampleur parce que c'est quand même une fermeture quand même, entre guillemets, de masse. Hein, il y a quasiment une usine sur deux qui a fermé. Ensuite... Les raisons exactes, déjà, c'était... Eh bien, justement, en fait, il n'y a pas vraiment de raisons exactes qui sont entendues. Il y a des rumeurs, il y a des on-dit, mais la raison exacte de la fermeture n'a jamais été vraiment annoncée. Et qu'est-ce que les rumeurs disent? Alors, les rumeurs parlent de plusieurs choses. Là, je vais te la faire courte, je pourrais te détailler un peu plus en privé, si tu veux, pour éviter de perdre trop de temps dans l'introduction. Mais c'est pas une perte de temps, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Les rumeurs, elles parlent de plein de choses. Elles parlent notamment du fait de... comment on appelle ça ? D'une reconversion de Venise hein, qui changera un peu l'état, en fait, de... Enfin, ce qu'elle fabrique à Venise. C'est la thèse, en fait, la plus populaire, y compris, en fait, en basse ville et en haute ville. Mais après, t'as des rumeurs, si t'as traîné un peu plus, vraiment, dans les gens qui savent un peu, dans les gens un peu hauts. Mais, tu sais, ceux qui sont censés savoir, mais qui sont visiblement pas vraiment au courant, qui sont pas dans le domaine, ces gens-là pensent qu'il y a actuellement peut-être un discours qui est en train de se faire entre un concerne et peut-être d'autres services, des loges, oui, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi le terme ne voulait pas sortir, hein, entre concerne et loge, pour peut-être amener quelque chose de différent. Pour l'instant, après, le quelque chose de différent, il y a plein de... Chaque personne, en fait, a son avis sur la question. Mais voilà, je pourrais te détailler ça un peu plus tard si tu t'y intéresses plus longuement. Parfait. Pour ce qui est de quand t'es allé à ton usine, bah pour le coup, elle tombe plutôt bien. Tu as quand même pu faire un speech pour les réconforter, parce que tu sens que ça fait pas de mal. Surtout que les nouvelles sont bonnes. Pour la première fois, je te fais pas de jet, parce que c'est pas la première fois que tu le fais, que la dernière fois, t'avais très bien réussi de souvenir. Donc je considère que, de base, maintenant, t'as compris en fait ce qui les motive, et donc tu sais comment formuler la chose. Je te ferai des gestes si vraiment tu répètes énormément de fois la chose, parce que la répétition peut du coup les baisser, mais là c'est que la deuxième fois, donc ça marche. Pour ce qui est de tes renseignements sur deux plaques de mission, pour la succursale au ministère de la Propagande, bah, tu te doutes bien qu'en une lune, ils l'ont construite. Hein. Oui. Voilà, c'est quand tu es parti te renseigner, on t'a dit que c'était bon, ça avait été effectué okay, tout simplement. Ouais. Du coup voilà. Pour ce qui est du coup du cheminement de bois, c'est aussi passé, mais tu sais que ils en font monter quasiment une à deux fois par lune, et donc si vous vous représentez d'ici quelques jours, il y a peut-être moyen qu'une nouvelle. Dans ce cas-là, je prends la date du prochain transfert. Eh bien, tout à fait. Et dans ce cas, tu apprends que la date se situe. Et je ne suis pas sur le bon document, excusez-moi. que la date se situe. Ta-ta-ta-ta-ta, excuse-moi. Le 25-2, Verdé 1131. Et donc, je crois que j'ai fait le tour. Bon, après, j'ai mis ça un peu de côté, mais il y a tout le côté relationnel, et tu as pu passer pas mal de temps avec Sophia, sachant que tu sais que chaque jour qui passe est un jour qui se rapproche de la date de rendez-vous avec, du coup, Arnold Thorpe, hein, et donc la date à laquelle vous êtes censé récupérer son passe-droit de sortir. Victor, de ton côté. Victor, yes. Victor, toi, tu as passé une semaine assez incroyable à être confronté à l'administration militaire de Venise. Alors, autant les métropolites, tu le sais, vous avez en fait un poste un peu au-dessus des autres... mais en gros, un peu des autres forces politiques de Venise, que ce soit les loges, les concerts, les guildes, vous savez que les métropolites sont au-dessus de ça, ils sont là pour les réguler. Mais le ministère de la guerre, c'est un ministère tout comme vous. Donc vous êtes plus ou moins au même niveau, et t'as pas vraiment d'autorité, en fait, quand tu vas là-bas. Et donc, quand tu es venu un peu te renseigner, etc., tu as senti très vite hein, que ta semaine allait être remplie d'allers-retours assez inutiles pour te faire patience entre des personnes un peu aux F au milieu de l'administration militaire. Et c'est exactement la semaine que tu viens de passer. Tu viens de passer une semaine à avoir rendez-vous sur rendez-vous sur des gens qui te disent « Oui, mais ça, c'est pas moi. Allez voir lui. » Puis tu vas voir lui. « Oui, mais ça, moi, je peux pas le gérer sous ce domaine. Allez voir plutôt cette personne-là. » Et on t'a fait tourner en bruit. Mais heureusement, ce dernier jour qui vient de passer, tu as réussi à avoir quelqu'un qui t'a dit qu'il te donnerait un rendez-vous avec personne d'autre que le ministre de la guerre lui-même, celui qui gère toute la branche. C'est mon contact. Sauf qu'il va falloir attendre un peu, il a un certain emploi du temps. Mais voilà, tu es promis normalement à pouvoir le rencontrer pour parler de ton dossier, parce que les gens commencent à en avoir marre que tu viennes leur casser les couilles tous les jours. Mais tu as bien fait du coup d'insister là-dessus, puisque ça va enfin peut-être déboucher. Pour ce qui est de ta relation du coup avec Elsa, tu as pu discuter un peu avec elle. Son alcool ne s'est absolument jamais calmé. Mais malgré tout, c'est vrai que ton petit instinct d'aller voir en disant, mais vu qu'elle passe tout son temps à boire à des bars, elle doit quand même entendre de sacrées choses. Et bah, quand t'as essayé de glisser ça dans des conversations, voir un peu si elle entendait des choses, effectivement, elle entend quand même pas mal d'histoires passées, sachant qu'elle ne boit pas toujours au même bar. Donc, potentiellement, il y a moyen qu'elle te serve plus tard, comme tu le souhaites, de contact. Et en plus de ça, elle a un lien, même si indirect, avec le ministère de la guerre, ça peut être aussi pratique. Je pense avoir fait le tour, je regarde... Oh oui, je crois que j'ai de l'alcool. Et donc nous sommes, comme je le disais, le 16-20, tout ça vient de se passer, et Kornilov, je vais revenir sur toi un dernier moment. Parce que c'est par toi que va du coup commencer cette session. Tu es au bar du Hurleur, fameux bar où vous passez énormément de temps. Est-ce que tu es allé seul ou est-ce que tu as demandé à des gens de t'accompagner ? Je pense pas. Ok, tu es allé seul. Eh bien, tu as décidé de t'y rendre comme d'habitude et tu attends un peu, voilà, tu vas prendre des nouvelles. Comme d'habitude, il y a toujours Sofiane hein, qui vient te... Bah, tout simplement, c'est lui qui tient le bar, hein, comme je vous l'avais dit, hein, Sofiane. Que vous avez croisé pendant la première prélude. Hein, donc maintenant, il est toujours là, il travaille sur vous, il a toujours 40 ans, il vient toujours d'Istanie, et il est toujours de mauvaise humeur. Mais il est toujours serviable, hein, malgré tout, et à chaque fois, bah, quand tu viens, il te répond souvent « bon, il n'y a rien ». Mais ce jour-là, ce fameux 22 Verde 71, il a une réponse différente. Alors que tu viens prendre du coup de tes nouvelles, comme d'habitude, tu vois que il te fait un petit sourire, hein. Ce qui est déjà inhabituel hein, de la part de Sofiane. Bon, je sais pourquoi tu viens et cette fois, j'ai quelque chose pour toi. Je t'écoute. Bien, c'est bien ça, faut écouter. Faut écouter. Je vais juste me rapprocher un peu et monter mon sonotone, même si ça n'existe pas, parce que je vous entends un peu faiblement. Et bien voilà, mon sonotone est monté. Donc, maintenant que je vous entends mieux. Eh bien, le patron a un petit message pour toi. Alors, voilà ce qu'il m'a dit de dire. Apparemment, tu leur as fait perdre un peu de temps, parce qu'il n'est pas du tout à l'endroit où tu leur as demandé de chercher. Ça, c'est pas ma faute. Ah bah, ça, moi je m'en fiche, hein, je t'avouerai, je suis à mon bar tous les jours. Mais voilà, ils ont cherché un peu de partout, et voyant qu'ils n'arrivaient pas à trouver quelqu'un dans les bas-fonds si proches de l'écrime qu'ils soient, ils ont plutôt utilisé une autre technique, qui est de voir un peu ce qu'il dit sur lui. Et il semblerait qu'il a été recueilli chez un certain... attends, faut que son nom me revienne... alors, il habite dans le quartier sud des usines de Venise. Keimo Insmos. Je crois que c'est ça. Bon, après, j'avoue que je ne sais pas lire, donc je n'ai même pas pu me le noter. Enfin, vous voyez... Enfin, est-ce que vous connaissez peut-être quelque chose qui ressemble, quelque chose du genre ? Oui, je vois de qui on parle. Ah, mais vous le connaissez ! Bah, ça sera encore mieux pour le retrouver, du coup, votre ami. Oui, ce sera super. Bah, parfait ! Bah, voilà, apparemment, il habiterait là-bas, de manière temporaire. Et en tout cas, bien caché. Hein. Eh ben, merci. Eh ben, merci pour l'information, alors. Moi, je fais mon métier, vous remercierez le patron. Ouais. Ah, d'ailleurs, un patron m'a aussi demandé... il m'a dit qu'il vous avait parlé de la possibilité que... Si vous avez besoin d'argent, vous puissiez travailler pour nous. Ça en est où ? Vous y réfléchissez ? J'y réfléchis, mais en ce moment, mes autres activités prennent un peu de temps. Ah, je vois. Bon, bah. Bonne continuation. Je veux rien boire. Hein. Pas pour aujourd'hui, je suis occupé. Ok. Allez. Alors, tu vois qu'il reprend un verre et il commence à le laver par automatisme parce que il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant. Parce que c'est un barman, ils font toujours ça. Alors, non, parce que vraiment là, pour le coup, le truc est vide et il n'y a que toi. Et tu vois, genre, il était à deux doigts d'être content de te servir un verre et puis t'as dit non, donc il a fait ah. Oui, mais j'ai pas d'argent. Alors, vraiment. Soit. Du coup, que comptes-tu faire immédiatement? Est-ce que tu rejoins tes amis à la planque, enfin au QG, pardon, à la planque, ou est-ce que tu décides de suivre cette nouvelle piste, ou est-ce que tu t'attardes sur une autre question? Dis-moi tout. Et non, si je vais là-bas, j'ai pas envie de me coltiner Kaino tout seul, donc je vais sûrement aller faire un tour au QG. Ce qui est insupportable, c'est tout. Très bien. Tu remontes au QG, et on va tout simplement ellipser ton trajet pour parler un peu de situation générale. Victor, Esther et Hugo, vous êtes actuellement au QG Indigo, parce que malgré tout, vous travaillez, donc vous y rendez quand même sur vos horaires de travail. Même si ça vous arrive de vous ajuster. Victor, ça fait un moment que tu y reviens après des jours, à faire juste des allers-retours entre chez toi et le ministère de la guerre. Et pour le coup, enfin, surtout, c'est vrai que tu es allé voir ton oncle. Et pour le coup, oh mon Dieu, ça te fait du bien de retourner un peu chez toi, à un endroit qui ne t'est pas hostile. Ma chaise bleue. Tous les trois, il y a toujours Sophia, et c'est vrai que Esther, tu as fortement en tête le fait que c'est aujourd'hui, le jour où vous êtes censé aller chercher tout simplement les plaques. Je vais vous poser la question, alors je considère que pour la question, Kornilov est déjà là, niveau argent, du coup, comment vous organisez? Je rappelle que le prix est de 60 plaques, vous avez chacun eu un salaire ces derniers jours de 30 liges, et savoir du coup comment vous êtes organisé, est-ce que vous avez divisé qui allait retirer quoi, etc. T'as dit 60 plaques, ça dit, c'est 60 liges le coup, le prix. Oui, 60 liges, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit plaques. On prend 60 exemplaires, les plaques d'identité. On prend 60 plaques des archives. Allez. Non, 60 liges, pardon, excusez-moi. Alors. Je propose qu'on divise ça en quarts. Donc tout le monde participe. Et opérer un quart chacun, ce qui me paraît plus juste. J'avais demandé à Sophia si elle avait des moyens sur. Sophia n'a pas énormément de moyens sur elle, parce que elle vous avait en fait de base tout donné la première fois de votre rencontre, puisqu'elle comptait partir immédiatement en fait une fois après ça, c'était pas dit qu'elle allait se prendre un gros stop, hein. Et du coup elle n'a pas énormément de moyens, parce qu'en plus de ça, comme elle a eu un état post-traumatique, elle n'a pas voulu sortir, etc. Tu te dis bien qu'elle n'a pas ramené d'argent chez elle, elle n'est pas retournée à l'usine. Oui, puis elle aura besoin d'argent. Pour l'instant, c'est bloqué. Mais après, elle te l'a dit, si vraiment il y a moyen, elle peut essayer de contacter son père sans lui expliquer pourquoi, et essayer de tirer un peu d'argent, parce que son père est du genre... il donne sans demander, parce que ça lui donne l'impression de s'occuper de sa fille. Ça me semble plutôt jouable, et je pense que c'est pas nécessaire d'éveiller les soupçons ou de donner une piste quelque part. Si jamais Kaino a un informateur quelconque au niveau de son père, ou en tout cas une manière détournée d'obtenir l'information, il pourrait à peu près savoir à partir de quand est-ce qu'elle compte quitter la ville, s'il se doute de quelque chose, et... je préfère plutôt la jouer discrétion. Ok. Enfin, vu que ça n'a pas l'air d'être hors de nos moyens. Oui, après, effectivement, à 4, avec le salaire que vous avez. Non, 60. 60 liges, c'est ça. Ouais, 60. Mais nous, on est payé 30 liges, donc en effet, ça fait 15 liges. On paye 15 liges chacun. La moitié de notre salaire, c'est vrai que c'est quand même pas donné. C'est clairement pas donné, mais après, c'est une activité illégale, rare, etc. Tu te doutes que les mecs en profitent pour se graisser la patte. Oui. Du coup, ce que je vous proposais, du coup, ce que je disais, c'est que. Soit, du coup, on s'arrange pour payer 15 liges de chacun dès maintenant. Donc, on divise chacun nos salaires en deux. Soit, c'est trop compliqué pour vous, parce que vous avez peut-être un loyer à payer. Je sais pas si... Il y a un système de loyer, évidemment, dans les crimes. Oh, oui. Il faut quand même que tu habites. Donc, soit c'est trop tendu pour vous, et j'ai dit pas plus que ça. Enfin, si, mais j'étais prête à sacrifier quelques jours supplémentaires pour le bien du groupe, pour récolter les fonds nécessaires. Bon, est-ce que les autres sont d'accord, du coup, pour se partager le coup? Eh bien, oui. Merci, monsieur le président. Dommage. Enfin, Hugo? Moi, je voulais attendre de savoir ce qu'allaient dire les autres. Il est pas là, donc il peut pas savoir. Si, j'ai considéré que pour la question de l'argent, pour s'impliquer. Il s'est téléporté. Je suis d'accord. Ah, c'est une conversation que vous avez eue avant. Oui, non, je suis pour aider Sophia, moi, donc ça me dit. Voilà, donc c'est aussi ce que je devais être pas trop au courant. Je pense que je me suis ramené parce que malgré le fait que j'ai bien réussi, j'ai eu une petite panne d'aspiration à un moment, tu sais, voilà, puis je me suis dit, oh tiens, si je passais au QG, pour ce qui se passe. Ouais. Genre, Hugo, il est aux F de tout, sauf de la culture et de l'art. Ouais, oh, je m'en fous. Ouais. C'est vrai que c'est un travail, moi. Est-ce que tu es d'accord pour participer à hauteur de 15 liges à la libération de Sophia? Allez. C'est la bonne action du jour. La pétition d'Abel Chimoul. Ça marche. Et voilà, vos 15... Okay. J'allais dire 15 liges. Piges. Vos 15 piges. Ouais, vos 15 piges, monsieur. Voilà, vos 15 liges. Ok. Allez. Vous avez tous retiré 15 liges d'avance en allant réclamer une partie de votre salle. Vous êtes, du coup, tous les quatre réunis au QG Indigo. Je ne sais pas où en est Esther, mais... Voilà. Vous êtes tous les quatre du coup au QG Indigo. on va dire qu'elle est là, de toute façon. Et Candino, en fait, vient juste d'arriver. Pendant ce temps-là, vous êtes en train de travailler chacun sur vos projets, en train de regarder un peu les plaques, en train de vous dire, j'insiste un peu sur cette question, mais qu'il y a de fortes chances que pas mal soit périmé. Donc, on pourra peut-être faire un tri, commencer à peut-être fondre ici et là quelques-unes des plaques. Et Cordia, voilà, tu viens d'arriver, et du coup, je vais vous poser un peu la question avant de passer à la suite, sachant que je rappelle que, du coup, dans la journée, vous le savez, du coup, au soir, vous aurez un rendez-vous avec notre ami Torp pour aller chercher les plaques, mais voilà, quels sont un peu vos... Qu'est-ce que vous avez un peu envie de faire? Pour l'instant, on peut parler juste en envie, et après, on discute de ce que vous faites. Ok. Eh bien, moi, je sais que j'avais un petit projet pour la dernière journée sur place. Enfin, une des dernières journées, en tout cas. Enfin, elle est censée partir quand quelques jours après, on a fixé une date, ou c'est vraiment une dès qu'elle a chopé les plaques? Tu sais, grâce à Sophia, on lui... Sophia dit que normalement, quand tu reçois les plaques, il faut attendre 2-3 jours, le temps qu'ils finalisent vraiment les petits détails, de type s'assurer que si la plaque est vérifiée, qu'elle a l'air en accord avec les, plus ou moins, entre guillemets, les registres. Je rappelle que ce ne sont pas des vrais registres, il n'y a pas un nom complet de tous les gens qui habitent à Venise. Mais voilà. Et du coup, voilà, généralement, il faut attendre 2-3 jours. Donc, tu sais qu'elle ne va pas partir immédiatement, mais d'ici 2-3 jours après réception des plaques. Ok. Hugo, est-ce que tu étais en train de parler à la revenue de Esther? Oui, je disais, moi, je pensais quand même faire un petit détour avant de récupérer mon argent. Peut-être après, plutôt. Et je voulais acheter... de nouveaux disques vierges. Je voulais acheter de nouveaux disques vierges pour mon sonographe. Oui, tout à fait. De toute façon, c'était déjà dans ton planning des jours qui passaient, mais effectivement, tu as passé, du coup, tu as fait un petit détour dans des quartiers plutôt UP artistiques pour t'acheter des disques pour ton fonographe. Parce que c'est important. Victor et Kornilov, est-ce que du coup vous avez une idée aussi de ce que vous voulez faire des prochaines heures qui vont passer? Vous n'êtes pas obligé de combler, je peux le dire, parce que si jamais vous voulez, on peut passer à la tombée de la soirée. Et du coup, au passage avec Arnold Thor. Bah, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est je vais quand même partager un petit peu tout ce qui s'est passé pendant la semaine, parce qu'il s'en est passé des choses. Et je ne suis pas vraiment très content de l'organisation de notre administration, car c'est une vraie plaie. Une semaine pour arriver à avoir un rendez-vous que je n'ai pas encore eu qui pourrait tout à fait être annulé pour des raisons que j'ignore. Mais bon, soit à côté de ça, j'ai quand même réussi à créer un contact avec une femme qui s'appelle Elsa qui pourrait eh bien nous être fort utile grâce à son oui particulièrement développé sur le bar, on va dire. Voilà, le pilier de bar va nous être utile. Eh ben, t'en as du courage. Hein. Eh oui. Mais comme je te l'avais dit à ce moment-là, je pense que malgré tout, elle peut être importante pour nous plus tard. Alors, je me sacrifie quelque part. Je ferai peut-être une quête parmi vous pour me donner un petit peu d'argent pour payer les boissons. Elle risque de ruiner parce qu'en plus, elle boit pas genre la petite absinthe là qui coûte un hurle. Hein. Elle te boit des trucs à 2 ou 3 sous. Enfin, voilà. Elle m'a déjà ruiné moi une fois. Je... elle fait bobo. Ouais, c'est ça. Mais bon, si ces informations valent le coup. Ça peut être intéressant. Oui. Elle connaît peut-être El Procedimento. On ne le sait pas. Bah, en vrai, oui, c'est son frère. Pote. Hein. Non, il n'y a aucun problème. Pote. Elle le voit faire tous les matins. Du coup, Cornilove, aussi, du coup, dis-moi ce que tu comptes faire de cet après-midi, si tu as quelque chose à faire avant le Arnold. Eh bien, j'aurais aimé proposer et entraîner avec moi Victor, justement, sûrement en discutant de cette Elsa, vu qu'on est les deux à l'avoir rencontrée, justement de l'amener, moi, chez Kaino, justement, vu qu'a priori il a l'air d'avoir un peu plus de connexion avec lui, il l'a un peu motivé quand il y avait eu les émeutes et tout ça. Et je me dis que ce serait une bonne personne, ce Victor, sûrement la seule personne de notre unité qui a su un peu parler gentiment à Kaino. Pourquoi oui. Pour aller du coup c'est là-bas. C'est vrai que au début, je vais te poser la question de pourquoi t'emmener qu'une personne, mais je viens de me souvenir de votre dernière conversation en groupe. C'est vrai que. C'est pas après, forcément, si les autres m'entendent et que ça les intéresse d'aller voir un syndicaliste chez lui pour que je vais parler à un gars qui crache chez lui sur son canapé, ils peuvent venir. Très bien. Bon, visiblement, ça n'a pas l'air de. Pas non. Motivés. De plaire. Je comprends. Donc, vous allez vous y rendre tous les deux. Hugo, pour rester un peu sur toi, je vais être honnête, alors que voilà, tu étais en mode, allez, on va voir quand même ce qui se passe au QG, parce que voilà, apparemment j'y travaille. Je vais apprendre ça. Je suis même payé pour ça, tu te rends compte. C'est vrai que c'est ta première paye. Hein. Tu viens de oh mon dieu, mais je suis payé pour y aller. Mais et en fait, tu remarques qu'il y a une ambiance assez étrange en fait qui traîne dans le QG, comme une petite gêne hein, qui est installée dès que t'es présent dans la même salle que Sophia et Esther. Tu dis bon, c'est très sympa. Je viens pas pendant un moment et quand je viens, c'est un peu bon. Et bon, je reviendrai moins souvent. Hein. Bon, quand même pas, s'il te plaît. Reste avec nous. moi, j'ai besoin de toi. Mais du coup, en vue de cette petite ambiance, t'as Korniov et Victor là qui sont partis. Tu te retrouves un peu entre guillemets seul hein, dans le QG. Est-ce que tu décides du coup de faire quelque chose parce que là, tu sens que ton après-midi, sinon, va être un peu long. Eh ben, écoute, je vais me replonger dans les plaques et je vais faire le tri. Et ce que je pense que je vais faire, c'est que bon, j'imagine que c'est des plaques sur toutes nos enquêtes, tout ça. Ça, nos renseignements. Voilà. Et ce que j'aimerais faire, c'est en gros, c'est quand même pour pas perdre toutes ces informations, je vais essayer de genre faire des petites plaques de synthèse. Tu vois ? Genre comme des fiches de révision ou quoi. Alors après, en vrai, bonne idée. mais je rappelle que la matière est quand même assez rare. Donc en fait, vous faites assez peu de plaques de base. Il y a vraiment que le il procedimento, mais tu peux très bien du coup t'y atteler, essayer de synthétiser un peu cette affaire. Et en vrai, c'est toute ta force à toi et ça te prend un bon temps parce que c'est pas une affaire. En plus, il vous manque plein de pièces. Du coup, Cornilla, Victor, vous descendez à la basse ville. Vous redescendez du coup au quartier sud des usines de Venise. Et vous décidez de vous rendre à... au bout de cette longue route entre l'usine Benedacci et effectivement... ah, c'est pas faux ça, Kemo. Et la maison de Keino. Vous vous y rendez donc tous les deux et... Est-ce que vous voulez discuter un peu avant de quelle stratégie, de quoi, qu'est-ce que vous faites, ou est-ce que vous y allez à l'instant ? Eh bien, pour commencer, déjà, je précise donc à Victor vraiment quel est l'intérêt de notre visite, au cas où il n'a pas saisi. Donc, j'ai besoin de reprendre contact avec un de mes contacts qui a disparu depuis. Et a priori, il crèche chez Keino. Keino qui ne nous apprécie pas le reste du groupe à cause de certaines choses, mis à part toi, du coup. A priori, il t'aime un peu plus que nous. Et du coup, j'espère ta présence et tes capacités diplomatiques, vu qu'on est les deux seuls à avoir ça entre dans le groupe, nous aideront, m'aideront à avoir accès à mon contact. Le diplomate. Tu n'es pas là. C'est vrai. Je le pense très fort. À Victor, mais à part si tu as changé de prénom, toi. Alors. Du coup, bah, allons-y, hein. De toute façon, on va essayer. Je vais faire de mon mieux. Si j'ai réussi à négocier avec l'administration, je pense que le petit Keno n'est rien à côté de ça. Oh, oui. Eh bien, tu vous y rendez, vous toquez chez lui, vous prenez le... J'ai oublié comment ça s'appelle une fois sur deux, le heurtoir. Et... La butée. Voilà, ça permet de heurter contre une énorme porte de métal. Et au bout de quelques secondes, la porte s'ouvre, révélant Keino, évidemment, qui... à peine la porte ouverte, vous voyez qu'il change de regard immédiatement. Vous vous sentez vraiment, voilà, il apprécie pas forcément de vous voir là. Est-ce que vous êtes en tenue de métropolite ou... Non, je pense que pour lui, j'ai au moins eu l'idée de dire, vas-y, on y va en civil. D'accord. Effectivement, que... ça peut peut-être aider dans... Moi, j'ai un pins. J'ai un pins métropolite. Je rappelle, vous avez un badge, effectivement. Un badge. Oui, non, mais je monte pas. Mais voilà. Donc, vous voyez qu'il bon, il reconnaît quand même. Et voilà, son visage change. Il devient un peu plus fermé. Et il sort. Et Victor, tu remarques quelque chose que tu n'avais pas remarqué la dernière fois que tu avais croisé. Alors, sûrement parce que tu étais en pleine panique. Hein, je rappelle que la dernière fois que tu as croisé, c'était le fameux événement qui se sont passés il y a 15 jours de ça. Vraiment... l'état individuel des gens ne t'inquiétait pas beaucoup. Ce qui t'inquiétait, c'est que tu avais un potentiel boss qui était en train de créer vraiment un gros massacre dans le quartier. Et tu remarques effectivement qu'il a une blessure en fait à son flanc gauche, hein, si je ne dis pas de bêtises. Quelque chose qu'en fait qui est actuellement en train d'être soigné. Hein, tu vois que c'est pas quelque chose qui est actuellement ouvert. Mais les bandages se laissent voir malgré les vêtements qu'il porte sur lui, sur le chose. Ouais, eh bien, je lui dis bonjour en tapant dessus. Salut. il vous toise un peu, justement, en attendant que vous ouvrez la conversation, alors qu'il est en train de fermer la porte derrière lui en sortant vous rejoindre. Oui. Ok. Comment allez-vous ? Ça va. Je vois que vous avez subi quelques blessures récemment. Ouais, ça. Ça date d'il y a un peu, oui. C'était pendant la lune dernière. savez où j'habite. Nous savons où vous habitez, en effet. Après, nous sommes là. Ouais. Et... pourquoi donc? Allez, je le regarde. Eh bien, nous sommes là pour vous remercier pour votre aide durant les événements précédents. C'est-à-dire? Vous savez, quand nous avons tous travaillé ensemble pour empêcher un gros massacre d'ouvriers et tout ça pour une histoire d'épidémie. Le génocide. Oh, je n'ai pas travaillé avec vous, mais soit. Merci. Nous avons œuvré de concert, même si nous n'étions pas ensemble. Enfin, si, je me souviens de vous. Mais. Oui. De vous. Bah écoutez, il va sans dire que les réactions étaient plus que inappropriées par rapport à la situation et nous avons évité heureusement un bain de sang qui aurait pu être terrible pour tout le monde. Il y a quand même eu 9 morts quand même à l'issue de... C'est sûr, mais pensez à ce qu'il aurait pu y avoir... si on n'avions pas fait ce que nous avons fait. Oui, oui, certes, certes. Bien, bien, bien soit. C'est très amical de votre part. Même étonnant, j'ai envie de dire. Il y a une autre raison, peut-être, qui vous pousse à venir me parler. Victor, qui est vraiment subtil. Oui, vas-y. Allez, n'aie pas peur. Eh bien, oui. Je viens aussi voir un de vos amis qui habite à la même adresse que vous actuellement, a priori. Je comprends mieux, oui. Avec qui vous croisez un peu? Il est là. Il est. Si je suppose qu'on parle de la même personne, il n'y a pas plein de gens qui habitent actuellement chez moi. Et vous êtes... Serait-ce possible de le rencontrer ou pas depuis de lui parler? Je vais quand même valider votre identité. Vous, je vous présente sous quel nom? Je ne crois pas m'être un jour présenté à cette personne. Ah, mais c'est très très fort pratique, ça. Ah, dites-lui que c'est son ami de l'usine qui l'a aidé pendant un moment. Ouais, je vais faire ça, bougez. Vous voyez qu'il ouvre la porte et qu'il la referme derrière lui. Horrible, petit syndicaliste. Quelques minutes passent. Quand Nilov est exaspéré, pour une raison quelconque... Et puis la porte se réouvre. Kaino vous fait un petit sourire, mais un petit sourire un peu... c'est un peu vicieux, vous sentez le sourire qui n'est vraiment pas sincère. Il fait bon, entrez. Mm-hmm. Je rentre, je me fais pas prier. Il referme derrière vous et vous mène dans sa salle principale. Comme toutes les maisons qui ne sont pas des... qui sont pas institutionnels, les murs sont, comme je le rappelle, des tissus en fait qui sont tissés de part en part pour séparer et donner du coup un agencement de pièces. Et lui, tout simplement, vous mène à la salle principale dans laquelle Kaino rentre en dernier. Et quand vous rentrez, vous faites donc face à Rolando Piani, effectivement. Qui, effectivement, tu vois que bon, quand il te voit, Kornilov, il sait qui tu es. Par contre, Victor, il ne réagit pas du tout. Il ne t'a jamais vu, en fait. Et tu vois qu'il... bonjour. Et tu vois, il est un peu... bonjour. Quelque chose ne va pas? Mais du coup, je vais m'approcher de lui. Il est installé, assis quelque part sur une chaise ou un truc comme ça. Il y a de quoi m'installer moi-même Tu vois que lui était debout, mais effectivement, il y a des divans, ce genre de choses pour s'installer. Oh, je vais m'installer comme si j'étais chez moi alors. Je vais m'installer, je vais lui dire. Ah, Rolando, ça fait. Tu sais que t'as été difficile à trouver. Oui, c'est le but, j'avouerais. Tu cherches à échapper à qui? Disons que il y a certains avocats du Alice qui aimeraient bien me confronter. Et j'ai pas l'argent, moi, d'en payer un. Qu'est-ce que t'as fait pour t'amener autant de problèmes? Je sais pas, j'ai pris l'usine, là, comme c'était écrit. De toute façon, je sais même pas lire, je sais pas pourquoi on m'a donné une usine. Il y a des métropolites qui sont venus et qui m'ont dit que je devais me présenter. Et quand je me suis présenté chez vous, bah, ils m'ont dit que j'avais 24 heures pour trouver un avocat du Hélice pour me défendre. Et évidemment, j'ai demandé combien ça coûte et je n'ai pas du tout ça sur moi, donc j'ai fui. Et ton ami Kaino, il t'a pas présenté son Kotarka? C'est-à-dire que c'est arrivé après et que... Bah, vous comprenez que j'ai fui devant un appel, c'est-à-dire que maintenant je suis en délit de fuite, donc je suis un peu plus grave, donc j'ai pas vraiment envie de revenir à la surface, vous voyez ce que je veux dire. On sent. Je vois, mais t'aurais... Je vais pas t'en vouloir sur le fait de pas m'avoir tenu au courant. Et en même temps, je n'ai pas d'informations sur vous, en fait. Justement, c'est pour ça que je te veux pas. Mais le truc, c'est que c'est quand même... J'ai quand même un peu investi en ta personne. Je sais pas si tu t'en rends compte. Bah, oui, enfin, on a discuté... Ouais. Mmh. Ça t'est pas venu en tête qu'il y avait une raison pour laquelle il y avait eu autant de facilité, est-ce que tu montes dans la hiérarchie? J'avoue, non, mais enfin j'avoue ne pas y avoir pensé. Puis en plus là, je suis désolé, mais quelle idée de me donner une usine. Je sais même pas lire quand vous voulez que je comprenne les plaques qu'on m'envoie. T'aurais pu faire appel à Kaino. Oui, bah. Kaino, il travaille. Puis voilà, après, pour le coup, les jours où je m'en suis occupé, ça se passait quand même plutôt bien. On a eu, il me semble, des chiffres. Mais de toute manière, tu pouvais pas t'en occuper moins bien que la précédente, hein. Foutais rien. Ouais, enfin, la patronne était quand même. Enfin bref, du coup, j'aimerais bien que mon investissement serve à quelque chose, et le problème, c'est que comme t'es caché ici, ça va pas énormément aider. Je fais quoi? Je peux pas me présenter après avoir fui pendant 2 semaines de la justice? Ouais, mais on va trouver autre chose à faire, alors. J'ai besoin que tu sois utile. Je sais même pas qui réellement vous êtes. Ouais. Je suis Kornilov Vichinsky, si ça t'intéresse tant que ça. C'est mon nom. Très bien. Et je vais te trouver une nouvelle occupation. Vous faites quoi dans la vie? Enfin, je... Qui êtes-vous? Enfin, vous êtes très sympathique, mais je comprends pas ce que vous voulez. Si tu veux savoir, je suis métropolite, mais je rends service aux gens qui en ont besoin. Oui, c'est vrai que vous avez été très sympathique envers moi. Bien, donc, quand tu en auras l'occasion, tu vas te rendre à Taverne du Hurleur. Ouais. Et tu vas dire que tu cherches un emploi de la part de Kornilov Vichinsky, que ce soit à la taverne ou ailleurs. Ok, enfin, mais c'est pas très, enfin, c'est plus sûr là-bas qu'ici. Bah pour te dire, c'est grâce à eux que je t'ai retrouvé, alors ils ont le bras long. Je vois, mais je... Bon, soit... Ok, ok, j'irai, je sais pas où ça se situe, mais je trouverai. Parfait. Tu verras, tu vas redémarrer toute ta vie et ça fera sûrement plus d'argent qu'en étant un veilleur comme t'étais. Ouais. Ouais, ok. T'as pas l'air sûr de toi. Non, c'est pas ça. Enfin, non, c'est que j'ai à faire là. Écoutez, j'irai, de toute façon, je pense que vous serez au courant si j'irai pas, et vous savez où me trouver, donc ça serait bête que j'irai pas. Donc, y a pas de souci, j'irai voir dans les jours à venir, et voilà, je vous retiens pas plus. Super. Bah, je me lève, je tends la main vers lui. Tu vois qui la serre. Allez, t'inquiète pas, je vais pas te laisser tomber, je vais m'occuper de toi jusqu'au bout. Ok. Et du coup, je m'en vais. Un peu surpris que Kaino n'ait absolument pas intervenu. Je sais pas où est-ce qu'il était, s'il était dans la pièce ou pas, mais... Il était. Et du coup, je pense que je vais faire signe à Victor que s'il n'a rien à dire à Kaino ou quoi que ce soit, bon, on peut repartir, je sais pas. Ils ont l'air d'être potes, hein. Ça se voit. Là, perso, je pense que je suis vraiment venu avec toi en mode parce que c'était pour toi. Parce que là, j'étais là en train de vous regarder. Genre, ok. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer en tout cas. Je ne connaissais pas. C'est vrai. C'est la première fois que tu rencontres un adopté. Kaino vous raccompagne jusqu'à dehors. Prenez soin de vous. Essayez de vous soigner au mieux. Ce serait dommage d'attraper une saleté. Ah, ça va. J'ai un médecin qui s'occupe de moi. Tant mieux. Et vous, tu vois qu'il t'a dit vraiment toi, Victor. Hein, il fait vraiment bien un geste pour éloigner de son propos Kornilov. Si vous avez besoin de moi, ça va me trouver. Victor ne répond pas. Victor est tabassé. Non, je ne réponds pas, je n'ai rien à dire. Soit, tu vois qu'il ferme la porte et va sûrement vaquer à ses occupations. Ouais. Hugo, pour vraiment te parler à toi maintenant. Bah voilà, tu viens de passer vraiment un bon moment à vraiment trier, etc. Dans tes affaires. Et pas dans tes affaires, pas du tout, dans les affaires que vous avez. Et donc voilà, tu. Moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu décides de fondre les plaques que tu penses qui sont plus utilisables et qui seraient plus intéressants de retravailler le matériau? Et bah écoute, oui, complètement. C'était ça en fait l'objectif, tu vois. C'était de C'était de synthétiser des fiches pour pouvoir en détruire d'autres. Okay. Donc, ouais. T'as fait le tri un peu dans les plaques de mission et on se mettra d'accord hors session. Parce que là, on a un Discord un peu buggé. Ouais. Tu as aussi, du coup, retravaillé un peu sur ce que vous avez sur le dossier, le procedimento. Et ça te fait penser quand même que votre dossier est complètement incomplet. C'est vrai que ça, vous le savez déjà hein, qu'il est complet, mais. C'est vrai qu'en relisant un peu pour essayer de synthétiser les informations, vous avez très peu d'informations qui en ressortent. Et quand tu essaies de lire un peu les sous-lignes, tu as quand même l'impression qu'il manque énormément de choses à l'appel. Pour te donner une idée, tu as l'impression d'avoir quand même 4-5 affaires maximum qui sont traitées. Alors que sont suspectés d'être 11 ou 12 meurtres pour El Procedimento. tu te dis quand même qu'il y a quand même un gros trou dans votre dossier. C'est plus ou moins ce que bah, tu as l'air de comprendre. Et c'est vrai que là, pour le coup, en fait, ça te rappelle surtout en faisant cette synthèse que le dossier que vous avez eu est vide. C'est vrai qu'il y a l'ouverture de l'enquête, c'est vrai qu'il y a la clôture, c'est vrai qu'il y a deux petites informations de personnes mortes, mais c'est incroyablement vide hein, tant ce qui a l'air d'être fait par il procedimento et par rapport à ce que vous avez dans, je vous rappelle, c'est le dossier officiel hein, du ministère de la propagande qui a enquêté dessus. Voilà. Je t'en laisserai en discuter tout ça si tu le vois. Ouais. Pour Esther, on va repartir dans un truc un peu plus joyeux. Pour Esther, yes, dis-moi, comment tu passes cet après-midi avec, avec Sophia ? Part si tu veux continuer autre chose, tu as le droit. Eh bien, pour m'occuper, j'imagine qu'on va discuter et tout pendant qu'on discute. J'essaie de tu sais, travailler donc, sur l'amélioration des fameux vélos. Tout à fait. Peut-être que je pourrais faire un test ou deux. La libération des femmes à vélo. Alors, non. C'est pas exactement ça, non. L'amélioration de nos vélos. Et tu vas me faire, s'il te plaît, non pas un, mais deux tests de mécano truc là. Excuse-moi, parce que du coup, j'ai plus ouais. Les fiches sous les yeux. Ah si, j'en ai une. Oh, génial. Excuse-moi. D'anthropomécanologie. Sachant que tu as un bonus, et en fait je vais demander deux jets parce que je fais celui-là qui s'est passé pendant l'ellipse ouais. En plus celui-là de maintenant. Sachant donc que c'est un test de, tu m'as dit, anthropomécanologie. Anthropomécanologie. Ok, parfait. Sans sachant bonus, du coup, j'imagine. T'as ton bonus de habile. Mais est-ce que j'ai l'idéal éventuellement C'est quoi ton idéal, pardon? Mon idéal c'est ouais. Révolutionner l'ingénierie. C'est peut-être pas révolutionner l'ingénierie. Non, t'es en train de faire un vélo. Oui, c'est ça. il sera peut-être révolutionnaire. Hein. Et tu m'as dit, j'ai un bonus de habile. C'est vraiment si tu travailles à vraiment élaborer des plans qui sont là pour dépasser. Mais là, t'es en train d'améliorer des vélos. T'es plus sur la technique même que sur la conception. Ok, parfait. Alors, il y a théorie et pratique. Donc, vas-y, dis-moi les choses. 5 plus 3, 8 plus 5, 13 plus 1, 14. Ok, premier jet, bonne réussite. Et fais une deuxième à la volée, comme ça. On... Second. 4 plus 5, 9. Donc 1 plus 15. C'est. Franchement, en anthropomécanologie, tu rocks du poney. Hein. Ouais, franchement, ouais. C'est cool, du coup, 2 points d'XP. Ouais, totalement. Du coup, ça te met de l'expérience. Comme d'habitude, je prends les notes, hein, vous inquiétez pas. Et donc, tu travailles du coup sur ces vélos. Alors, tu avais déjà travaillé dessus sur la dernière. Sophia, maintenant, a pris l'habitude de t'aider. Alors, elle n'est pas du tout, comme je l'avais dit, avenante, hein, parce qu'elle ne s'y connaît pas beaucoup, oui. Malgré le fait qu'elle gère une usine. Hein. Mais par contre, voilà, en fait, c'est toujours en mode, bon, si tu as besoin d'un truc ou qu'elle te tienne un truc, etc., bah, elle le fait immédiatement. Et, ouais, au pire, et ça vous permet de faire rien, mais je vous dis que c'est utile. Voilà, et puis en même temps vous discutez, tu vois, c'est vraiment l'aspect on fait quelque chose, on travaille, tatadi tata. Et bah, les vélos, t'en rends quand même clairement bien les améliorer. Et en fait, il t'est venu une idée d'essayer de trouver un moyen de ne plus devoir descendre des vélos tous les 2 minutes à cause des marches, hein, parce que je rappelle que Jeudi, c'est vraiment plein de plateformes. Et donc du coup, t'en rends de travailler sur un système comme ça pour que les suspensions, les roues s'adaptent en fait au fait de monter et descendre des marches. T'as aussi amélioré, si et là des choses, je ne sais plus exactement ce que tu voulais mettre, mais il me semble que j'avais un projet qui était de les rendre plus légers, éventuellement pliables. Plus légers, effectivement. S'il y a un petit peu de bruit chez quelqu'un, je sais pas qui, mais éventuellement mutez-vous si jamais vous bougez des trucs, voilà. Je crois que c'était... Ouais, c'est le fauteuil de Kornilov, je crois. Mais c'est pas... Enfin, de Kemao, parce que Kornilov n'est pas assis, mais... mais c'est pas très grave. Tout ça pour dire que, du coup... ouais, effectivement, alors... Pour l'instant, on va se concentrer sur le fait de le rendre plus léger. Parce que comme ça t'aidera pour tes prochains jets, pour le plier en deux. Parce que forcément, quand c'est plus léger, c'est plus maniable que l'inverse. Et donc, du coup, pour le fait de le rendre plus léger, t'as réussi à vraiment retravailler toute l'armature pour garder... la même résistance, etc. Et en fait, tu rends tout dire que même le rendre plus léger va t'aider à un projet pour les rendre pratiques, entre guillemets, pour la construction vénitienne. Donc, C'était vraiment la première chose à faire sur ce vélo, et ces derniers jours, tu as pu t'y consacrer totalement. Là, tu as rentré avec Sofia, et pareil, pour les rendre du coup adaptables à ce milieu vénitien. Quoi qu'il en soit, l'après-midi va passer comme ça. Hugo, Esther, etc. Cornelia et Victor, je considère que vous n'avez pas remonté pour la simple et bonne raison que le temps que vous remontez, ça sera le temps déjà de redescendre pour aller voir Arnold. Donc je considère que vous êtes resté en bas, vous avez peut-être bu un coup au bar du roller en tant qu'à faire. Je l'ai amené au bar. J'en ai profité, si c'est possible, pour les prévenir justement que quelqu'un allait venir de ma part pour travailler. Ouais, parfait. Bah oui, en plus, t'es sûr que ça marchera bien. Donc voilà, comme ça te permet de passer du temps avec. Avec Victor un peu, vous discutez, mais voilà, tout ce qui compte, c'est que Esther, Hugo, vous allez vous mettre en route pour aller rejoindre Arnold Thorpe. Yes, parfait. Sophia va rester, comme d'habitude, ouais. Au QG. Vous allez donc marcher, le soir commence à peine à arriver, mais vous savez que c'est plus ou moins le moment où vous devez le retrouver. Vous retrouvez en Basile, on disait que voilà, vous descendez, vous décidez de retourner à ce fameux quartier des ponts, le quartier habituel. J'ai vu Cornilov paniquer pour aller chercher sa moustache déguisement. Déguisement, bien entendu. Exactement. Ah, donc vous venez déguisé, effectivement, j'ai oublié de l'indiquer, mais je considère que c'était fait de base, puisque vous avez contacté Arnold de manière déguisée à chaque fois, ça serait con d'oublier la dernière fois. On arrive en métropolis. Après le coup de dressure de la dernière fois. C'est ça. Après le coup de bluff de la dernière fois, tu sais. Non, on a eu un métropolite. On vous a niqué. Enfin bref. Juste le tippins. Juste la petite provoque. Je le redécris pas en détail, si vous voulez avoir une petite description mieux faite du quartier des ponts, vous avez soit ma nouvelle, soit la dernière session sur la chaîne La Petite Pause JDR. Quoi qu'il en soit, du coup, vous descendez, et en fait, au même endroit exactement, donc c'est-à-dire vous tombez sur la passerelle qui est en dessous de l'énorme pont Eiffelien. Je rappelle que les ponts Eiffelien sont des ponts de structure de métal, de pierre, et vous décidez, oui, c'est les costumes, c'est officiel, vous décidez donc, du coup, d'aller dans la même bâtisse dans laquelle vous avez déjà rencontré Arnold, parce qu'il y a de la lumière et vous savez qu'on vous y attend. Vous y rentrez, tous les quatre, hein, et excusez-moi, j'ai un peu du mal à redémarrer là après tous ces bugs. Je disais, vous êtes donc face à 4 personnes, une de moins que la dernière fois, donc c'est bien, dont Arnold Thorpe, qui sont assis. Au niveau du sol, parce que je rappelle que c'est une salle totalement vide. Il n'y a pas de table, il n'y a rien. Et donc voilà, ils sont juste assis en train de parler au niveau du sol, et quand ils vous voient, ils commencent à se relever. Est-ce que quelqu'un entame la conversation, vous attendez qu'il le fasse? On va attendre qu'il le fasse, j'imagine. Ah bah c'est bien, vous êtes à l'heure, vous. Ah, vous avez ramené d'autres amis, à ce que je vois, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah. Oh, puis je me rappelle de vous, tu vois qu'Hugo il te prend du doigt. On a eu de grandes discussions sur l'art. Il faudrait qu'on se voit plus souvent. Ah oui, c'est un plaisir. Je serais ravi de remettre une prochaine fois. Peut-être, c'est peut-être pas l'occasion de discuter. Hein. Quoique, avez-vous vu la dernière pièce de cette magnifique représentation de ce grand classique? Non, peut-être une prochaine fois. Excusez-moi. Tu vois qui se met à rigoler, fait oh bah vraiment, nous je sens qu'il faut qu'on discute de manière plus profonde, ce que vous êtes, je vous adore. Bon, pour la dame, c'est ça, pour la dame. Vous avez l'argent, bien sûr. À ce moment-là, je sors l'argent que j'avais préalablement réuni pour pas qu'on mette chacun 15 de notre poche en direct. Et je lui donne les 60 liges. Tu vois qui le tend à la même femme que la dernière fois, celle qui était adossée contre le mur pour écrire. Bah là, tu vois qu'il prend le truc et qu'elle se met à compter rapidement. Tu vois qu'il attend un peu. Il y a ce moment de blanc un peu gênant où il parle pas, il est juste en train de la regarder et elle en train de compter comme ça encore contre le mur. Et puis, elle valide de la tête. Volontairement stressé. Oui, c'est vrai. C'est le bon personnage. Très bon roleplay. C'est vrai. Tu vois qu'il se retourne, fait « Ah !» Mais en plus de ça, vous êtes des personnes nettes, c'est très bien. On a peut-être dû demander un peu plus, du coup. Non, oh, vous plaisantez une telle bagatelle. Je plaisante, mais oui. Ah. Bon, tu vois que il fouille dans sa poche intérieure de son petit veston et il sort du coup deux petites plaques de métal accrochées entre elles. Eh bien, elles sont à vous. Tu vois qu'il te l'attend. Je regarde si le bon nom est écrit dessus. Effectivement, le nom que vous avez demandé est écrit dessus. Cassandra Kitsala. Mais dans ce cas-là, je les prends et je le remercie. Comme dit souvent, j'inspecte l'objet avant de partir avec, voir s'il est bien fait. Oui, bah, tu inspectes et pour le coup, tu sais un peu après à quoi ça ressemble, même si c'est vrai que c'est pas le genre de chose qui est utilisé tous les jours. C'est vraiment. Tu sens vraiment, c'est une administration qui est faite pour dire qu'ils font quelque chose, mais tu sais très bien qu'ils recensent pas tous les gens, quoi. Mais par rapport aux plaques que tu connais, tu sais que tu sais que ça a l'air pour le coup très véridique, c'est très bien gravé, il n'y a aucune petite erreur, le métal est vraiment très droit, il n'est pas, même pas distordu ni rien, enfin il est vraiment très clean comme des plaques sont censées l'être, et donc ça a l'air d'être de très bonne facture. Et quand on tape dessus, est-ce qu'il a l'air creux ou un truc comme ça, non Non ? C'est-à-dire, pardon. Non, mais tu sais, souvent, pour vérifier si les métaux sont vrais, on tape dessus, on écoute le bruit, ce genre de choses, ça semble... ça semble relativement... Alors, on s'est pas fait tromper avec un alliage. Du coup, je pas... Si tu fais le test, effectivement... Ouais, je vais pas trop passer le temps à les inspecter non plus, ça semble correct, pour pas les vexer. Après, tu vois que quand tu commences à le faire, il le prend pas mal, enfin, je veux dire... Effectivement, les gens ont... Enfin, il a l'habitude que ses clients s'attardent un peu sur la pièce. C'est normal, c'est censé être leur permis de changer d'identité. Ah, oui. Donc, du coup, il enchaîne juste. Bon, bah, j'aime quand les affaires sont aussi simples que ça. Juste une chose, oui. Nous on finit de fignoler les petits détails. Donc, évitez de l'utiliser tout de suite. Attendez 2-3 jours le temps qu'on soit sûr que tout soit vraiment réglé. Et vous devrez pas avoir de problème. Oui, bien sûr, à ce moment-là, je regarde mes camarades, on pourrait même attendre 4-5 jours, histoire d'être sûr, vraiment. Ouais, je pense que le minimum suffira. On n'est jamais trop prudent. Écoutez, moi, je vous retiens pas plus, on a une affaire qui arrive bientôt. C'est pas très bien si les clients se croisent, donc... bon courage. Merci beaucoup. Même, je n'ai pas ma proposition, où est-ce que je peux vous retrouver? Eh bien, je joue... En ce moment, je dois avouer de ne pas avoir beaucoup de programmation en ce moment, car je suis dans une intense phase de création, mais... faites-vous une exposition bientôt, à nouveau, avec la guilde. Pas tout de suite, mais souhaitez me voir, je suis toujours... Vous avez peut-être un atelier. Je note. J'y travaille pour me faire... vous savez, il faut bien vivre, hein. Oui. Sinon... Ça sera un plaisir, d'air. Je vous offrirai une petite bouteille. Oh. Taverne de Libou, je vois, c'est à peu près... ce sont dans les quartiers supérieurs, Ah, c'est pile entre les deux, si vous préférez. Très bien, merci. Eh bien, avec grand plaisir, nous dégusterons une bonne bouteille... nous aurons occasion de parler donc, de cette fameuse représentation qui, je dois dire, était... on sentait un nouveau... Enfin, bon, nous en parlerons là-bas. Je lui serre la main et puis... Ouais, tu vois qu'il te rend avec énormément d'énergie. Tu sens vraiment qu'il y a moyen d'avoir un beau contact avec lui. Et sur ce, vous tournez le dos avec vos magnifiques costumes. J'ai envie de screener ça à vie. Parce que c'est vraiment magnifique pour le coup. Hein. Sur la route. Sur la route, chers amis. Alors que vous êtes en train d'avancer. On n'est plus déguisé là ? Il faut que je parle. Enfin, je vous pose une question d'abord à Kornilov, c'est un peu hors RP si vous préférez. Kornilov, as-tu parlé à tes amis de ce que t'avais dit, A-League, ou est-ce qu'ils n'en sont pas encore confidents ? Oh, je leur ai dit, en effet, après tout, ça fait plus, même plus de 4 jours qu'elle me l'a dit. Oui. Donc oui, en effet. Mes amis, ce serait le temps. Donc, je rappelle du coup, si jamais vous avez oublié ce qui s'est passé il y a quelques sessions de ça, c'était il y a 2 sessions, si ma mémoire ne flanche pas, Kornilov croisant Ailey, cette dernière lui a suggéré de traîner un peu dans la rue le soir tombant. La rue en face du QG? Non, la rue. La rue. Le soir tombant de nuit donc. Oui, comme actuellement on est en fait, ça tombe plutôt bien. Le soir vient de tomber. On ne carte pas les uns des autres. Et non seulement le soir vient de tomber, mais en plus de ça, vous savez que la rue, quand on en parle comme ça, c'est souvent plus ou moins les fameuses rues, soit de la basse ville, soit les rues où il y a de la luxure, pour le dire un peu autrement. On a les quartiers chauds. Oui. Quartier rouge. Ouais, les quartiers rouges. Quoi qu'il en soit, du coup, décidez. Ça part si vous décidez de me contredire, mais effectivement, ça semble être le bon moment de passer par ces quartiers-là. On pourrait être des joueurs très très chiants. Et vous avancez un peu dans... Enfin, vous décidez en fait de passer par là en vous disant, bon, s'il y a la raison de ce petit aparté d'I-League, tant mieux, et sinon, bah, ça vous fait juste un détour pour entrer chez vous. Voilà. Vous n'êtes pas non plus en train de vous perdre. Et voilà, vous déambulez un peu. J'aimerais savoir un peu, parce que ça fait un petit moment que je l'avais pas fait, mais voilà, les choses sont telles. Quels sont les sentiments, les émotions à l'heure actuelle de Kornilov? Eh bien, je suis assez fier de moi. Mmh. En tout, techniquement, j'ai réussi à réavoir mon contact, j'ai réussi a priori à le rendre utile. Je suis assez content du rôle que j'ai joué dans mon nouveau rôle donc, de Grégory Defemovic, qui a le grand avantage d'être très ignorable, vu que c'est un peureux ou un créatif en tout cas. Ce qui peut être utile. Et du coup, bon, de manière générale, je suis très content. Et pour moi, c'est une journée qui s'est parfaitement bien passée. Donc. Pour le coup, on a un Kornilov in love. Kornilov. Bon. Vous pouvez retirer vos costumes si vous voulez. Hein. Je vois que certains temps se refont pousser les cheveux. Pour une fois que j'ai les cheveux. Vous marchez donc dans les rues. Oh, ça tient trop chaud les cheveux. Et vrai. En fait, au croisement de plusieurs ruelles, hein, je rappelle toujours un peu l'architecture citadine qui est très. J'allais dire archaïque, mais je sais pas si c'est ce que je cherche. Enfin, qui est. Non, labyrinthique. Du coup, en croisement de plusieurs rues, vous continuez à marcher sur cette grande ruelle principale, une femme vous arrête. Cette femme, vous le savez, hein, à sa tenue, tout ça, c'est une prostituée. Et si vous voulez, pourquoi pas, puisque je sais que certains ont eu connaissance il y a longtemps de certaines maisons, vous pouvez essayer de voir si vous connaissez la maison à laquelle elle appartient. Il se dénonce. Oh, désolé, je ne mange pas de topa là. Alors, les maisons, en fait, leur importance, hein, c'est pas tant de savoir chez qui. On n'avait pas rencontré une aussi une fois. Tout à fait. Et c'est pas elle. Alors, mais moi, là, pour le coup, c'est sûr que ce n'est pas la même personne que Cornia va déjà recroiser. Mais la maison, en fait, c'est justement ça que ça sert, c'est savoir avec quelle maison tu vas, du coup, te renseigner, ce genre de choses, que, bah, du coup, tu sais, information, ce genre de choses. Et oui, Cornillac, tu voulais dire quelque chose? Non, mais je voulais juste préciser à ceux qui ne s'en souvenaient pas que les prostituées sont de grosses sources d'informations et qu'elles leur font payer aussi. Exact. Et qu'elles peuvent passer des messages aussi, de temps en temps. Ça nous est arrivé, il me semble. Exact. Mais ils écoutaient pas les messages. Et du coup, oui, j'aimerais bien savoir. Bon, bref, du coup, c'est un test de Urba Technologie encore. Urba Technologie. Il faut que je retrouve ma fiche déjà. Voilà. Urba Technologie. Pour ceux qui veulent c'est un 8. Voir s'ils reconnaissent. Oh. Pour moi, c'est un 8. Donc, je sais pas si ça marche. J'ai pas l'impression que ce soit incroyable. J'attends le jet des autres. Alors, donc c'est un jet de Urba Technologie. Tu n'es pas obligé de le faire. Oh, c'est... Ouais, mais comme je suis super balèze en Urba 5. C'est pas top. Non, c'est pas ouf. J'ai 1, j'ai fait 1, 3. Moi j'ai 10. Ok. Hugo, est-ce que tu jettes pas, c'est ça? Parce que t'as dit que tu. Ok. Très bon roleplay. Bah, Esther, elle a essayé de réfléchir, mais elle s'est rendue compte que il y avait aucune chance. Ça a fait ah, mais en fait, j'en parlerai jamais. Ah, mais en fait. Eh bien, vous connaissez effectivement Cornilove et Victor cette maison-là, parce que vous savez que c'est une des maisons principales de Venise. Il y a eu, il y a quelques teintes de ça, une grosse guerre en fait de ces maisons. Notamment voilà, deux maisons qui sont rentrées en guerre. Et la première maison est celle avec laquelle vous avez traité hein, lors de votre première, lors de la prélude, hein, si vous préférez. Cette maison qui a disparu depuis un temps. Et. Bon. Et de l'autre. Il y a cette maison-là qui s'appelle du coup la maison Bécony. Je vous l'écris si vous voulez. C'est, vous le savez, du coup actuellement la maison la plus importante. Hein. Voilà, c'est, vous savez, c'est la maison actuellement la plus importante de Venise. Et donc, c'est un gros réseau qui s'installe. Alors évidemment, vous, ce qui vous intéresse, c'est l'aspect information. Mais vous savez que bon, c'est aussi parce qu'elle est très puissante en dehors de l'information. ce qui du coup le... Ça, peut-être ça vous intéresse un peu moins. Mais voilà. Vous voyez que la dame vous d'abord vous appelle hein, de loin. La dame donc hein, s'approche de vous et vous tient du coup les mots suivants. Hey joli cœur, je vous sens perdu. Vous avez besoin d'aide. Suivez donc ce qui est étroit dans la roue qui appartient au loup dormant. Il s'entend pas très bien hein, avec le champignon rouge, mais il vous mènera à coup sûr là où vous trouverez réconfort. Parmi ses mes sœurs, à moi, au lynx. Donc n'oubliez surtout pas la roue qui appartient au loup dormant qui ne s'entend pas très bien avec son voisin le champignon rouge. La roue qui appartient. Mes sœurs se trouvent au lynx. Ah ouais, la roue qui appartient au quoi dormant? Au loup dormant. Au loup dormant. Arrêtez vos analogies douteuses, madame, je ne mange pas de ce plat-là. Ferme-la, Hugo. La roue. Attendez, la roue qui appartient au loup dormant, et c'est quoi les sœurs? Elles dorment? Qui n'aiment pas le champignon rouge. Ah, mais non, ah. Qui n'aiment pas le champignon rouge. T'imagines, n'empêche, il y a vraiment les personnages qui font. Attends, vas-y, attends, répète. Non, parce que j'ai pas bien noté. Champignon rouge. Non, mais dans le RP, on les fait répéter plusieurs fois. Il n'aime pas le champignon rouge, ensuite. Et qui trouve réconfort parmi ses sœurs, donc les sœurs de la dame au lynx. Les sœurs étant d'autres prostituées, évidemment. On fait un jeu d'orientation, donc on a besoin des bonnes. Oui, voilà. La carte au trésor. C'est ça. Non, non, c'est bon, vous trouvez l'indice. Ouais, ouais, c'est bon. Et qui te... j'en suis un réconfort. De toute façon, Victor s'en fout. Parmi il y a un ami au placé qui. Alors, on va dire que dans l'univers du jeu, dans la diégèse. Je me suis répété deux, trois fois le temps de m'en rappeler. Voilà, vous avez retenu assez facilement en vrai, parce que voilà, vous n'êtes pas des joueurs qui, au milieu de la phrase, se sont dit « Oh putain, c'est une phrase importante, je vais l'écrire. » Voilà. Non mais ça coupe un peu aussi des fois. Non mais le lynx, c'est tout, c'est fini après le lynx. D'accord. Victor s'en fout, il a un ami au placé qui peut lui donner la réponse. Tu le fais tellement répéter qu'elle en a marre et elle te dit la solution directe. Non mais c'est là-bas, c'est bon. Merci. C'est là, derrière le truc. Voilà, allez-y. Vous pouvez saouler. Merci à toi, Gossel. Ça fait 3 heures que j'imagine. Qu'elle a fini cette phrase, qu'elle a répétée en partie qu'une seule fois, on va dire. Elle vous fait un petit signe de tête et elle s'en va, vous laissant ces trois rues qui vous font face. On va prendre celui qui est étroit. La rue étroite, c'est là. Tout à fait. Exactement. Tu rentres du coup dans la rue étroite, tu te dis, bon, allez. Tu prends la plus étroite, effectivement, que sur une des maisons se trouve une roue rouge peinte par sûrement du sang fulige. Et donc, tu en conclus que c'est la rue de la roue. Tu avances dans cette rue qui est vraiment pour le coup méga étroite. Hein. C'est une petite rue qui serpentine jusqu'à arriver sur une plus grande rue. Et au milieu de celle-ci, votre prostituée vient vous voir. Hey, joli cœur. Tu veux un mot doux? Il est beau. Et à ces mots, elle s'en va. Tu peux pas me donner une adresse? Tu as un mot doux, il est beau. J'ai réussi à le noter de la première fois. Tu as un mot doux, oui, il est beau. De toute façon, elle est partie. Le mot magique est beau. Je tiens à vous annoncer, si on prend la première lettre de chaque phrase, ça fait rien du tout. Ensuite, bah Dion, vous quittez cette et yes. Vous retombez en fait sur une plus grosse rue. Croisement à d'autres rues. Est-ce que vous savez où vous allez? Bien, je ne sais pas les quatre vins vides de poésie. Est-ce que quelqu'un peut répéter la première phrase? La roue la première... appartient au loup dormant qui n'aime pas les champignons rouges et qui trouve réconfort parmi ses sœurs au lynx. Et là, c'est... Et on a quoi face à nous? Vous avez ah, mais rien du tout. Plusieurs ruelles où vous pouvez regarder si vous voulez essayer de voir quelles sont ces ruelles. Est-ce qu'il y a des noms de rues? Vous venez de passer par. C'est quoi les noms des ruelles? Vous venez de passer par la ruelle de. Enfin, la rue de la roue. Ok. Est-ce qu'il y a une rue du loup? Eh bien, tu regardes un peu. Au début, tu vas pas trouver immédiatement parce qu'en fait, elle n'est pas directement en face, mais en remontant en fait un peu la ruelle sur laquelle vous êtes. Quelque chose qui a l'air avec un loup, peut-être un nom d'auberge, quelque chose. Ouais. Eh bien, en fait, tu tombes sur une rue directement. Qui représente un loup dormant. Et donc tu es sur la rue du loup dormant. Ah. Tu rentres dedans. Ah, y a pas de champignon rouge, c'est pas lui. Mais non, mais c'est qu'il n'aime pas le champignon rouge. Bon, bah alors on y va, on rentre dans la rue. Ouais. Vous rentrez tous les quatre dans la rue. Je crois qu'on va se faire là, c'est une rue qui. Oui, non, on est prudent. Ouais, en plus, la nuit est montée. C'est vrai qu'il était présent. Oui, en ce moment, passé, c'est ça doit devenir un semaine là. À faire très gaffe à pas sortir la nuit, à être très surveillant, parce que vous rentrez vraiment dans les quartiers plutôt chauds. Quoi qu'il en soit, une prostituée, bah du coup, se réavance vers vous, et alors qu'elle vous croise, vous aguiche un peu et vous dit de ces mots: Hé, hey, joli cœur, tu veux un mot doux? Vous êtes beau. Et elle s'en va. Merci beaucoup. Ça fait deux fois qu'on nous parle de Modou et... La première fois, elle a dit « il est beau ». Maintenant, elle a dit « vous êtes beau ». C'est parce que je déteins sur vous. Donc là, il faut qu'on change de rue. Effectivement. Et vous rendez donc du coup au... Enfin, vous sortez de la rue... Et vous commencez à comprendre ce qu'on cherche de vous, donc vous vous mettez, je suppose, à chercher une rue, laquelle? Alors attends, la rue du champignon. Oui, bravo. Oui. J'allais dire, vous êtes beau. Vous rentrez dans la rue du champignon rouge, qui, à l'inverse de la dernière, elle est une rue très éclairée, comme quoi, vraiment, vous traversez, hein, vous commencez à faire un petit cercle, en fait, dans ce quartier. Et... Pardon, excusez-moi, je commence à perdre ma voix. Eh bien, encore une fois, une dame finit par s'avancer vers vous. Alors là, il y a un peu plus de monde, donc ça va être Vous sentez que c'est un peu plus pressé, un peu comme la dernière, où c'est juste en passant, dans lequel, du coup, elle prend son rôle, pareil, de vous aguicher, vous en tombez un peu la bretelle, et vous dit hey, « Hé, joli cœur, tu veux un mot doux ? Surveille sa beauté. » Surveille sa beau. Sa beauté. Alors c'est « Il est beau, tu es beau, surveille sa beauté. » Et là, c'était « Tu veux un mot doux, je crois. » Ou elle a redit la même chose. Ouais, mais à mon avis, elle dit la même chose à chaque fois. C'est le début de chaque fois. Ouais. Donc là, en gros, tu dois retenir, c'est « Il est beau, tu es beau. » Surveille sa beauté. Voilà. Non, c'est « Il est beau, vous êtes beau, surveille sa beauté. » Voilà, c'est ça. Ouais, parce que sinon, on va se faire niquer s'il faut faire un mot de passe une fois qu'on arrive. Quoi ? Mais c'était pas « Tu es beau, connard !» Attends. « Il est beau, vous êtes beau. On a raté « Nous sommes beaux. » Ça arrive. Elle devait être entre les deux. Quoi qu'il en soit, vous sortez de cette rue-là et une fois arrivé sur la grande rue principale, eh bien, en fait, à quelques pas de la rue, parce que comme je vous disais, en fait, vous faisiez vraiment un cercle, eh bien, se trouve une autre rue, celle que vous cherchez, qui est la rue du réconfort. Du lynx. C'est les sœurs au lynx. Du lynx, bravo. Cornilla va gagner un point. C'est vrai. Vous arrivez du coup à la rue du lynx, qui est en fait la rue où se trouve une des maisons closes les plus importantes, en fait, de la maison. Maison Bécony. Et alors vous passez devant la maison, il y a une des dames qui s'approche de vous, prend Esther par le bras et dit « Hé, joli cœur, tu veux un mot doux ? Prudence, vous pourriez gâcher votre beauté. Mais au final, être beau n'est pas ce qui est important. » Et à ce mot-là, elle te lâche le coude et repart... C'était... Quoi? Non, je crois que je l'ai. Tu vas juste me dire si c'est bon. Je note juste rapidement. Enfin, je vais pas noter le début, hein. Je vais noter avec la fin, évidemment. Vous pouvez perdre votre beauté, mais être beau, ce n'est pas ce qui est important. Pas tout à fait. J'ai mis gâché. Attention. Pas perdre. Gâché. Mais au final, pardon. En fait, faudrait pas que je l'écrive, faudrait que je la retienne dans ma tête et que je l'écrive après. Une fois que je l'ai répété 2-3 fois, ça serait beaucoup mieux. Voilà, j'apprends à retenir les trucs. Quoi qu'il en soit, bon, j'enverrai peut-être les phrases si vous avez besoin. Mm-hmm. Non, c'est... Quoi qu'il en soit, je peux dire quelque chose. Vous avez maintenant fait le tour de la roue. Il y a Cornelov qui agit. Oui. Je regarde autour de moi parce que c'est beaucoup trop chelou comme situation. Je veux voir si on n'est pas suivi par des gens chelous, bizarres. Tu regardes autour de toi et en fait, tu es au milieu de la rue qui contient la plus grande maison de. Enfin, maison close, du coup, de la maison. Ouais, Bécony, du coup, donc, tout le monde se jette de manière bizarre. Il y a énormément de gens qui sont en train de venir et partir de là-bas. Il y a énormément de prostituées qui se toisent. Donc, autour de toi, c'est quand même un peu. Ça fait du monde. Maintenant, si tu penses à te surveiller, ne hésite pas à surveiller le temps du trajet. Je surveille tout le temps. Quoi qu'il en soit. Vous avez fait le tour du coup de la roue, du loup dormant, du champignon rouge et du lynx. Qu'est-ce que vous décidez de faire tout de suite ? Là, nous avons complété toute la phrase. Il semblerait. Relis-la, s'il te plaît. En entier. Au cas où. Ah. Elle est marquée. Pourquoi elle est marquée ? Avec sa beauté, prudence, vous pourriez perdre votre beauté. Mais au final, ce n'est pas ce qui est important. Non, mais la phrase, la toute première, là, tu sais, qu'il fallait la rue. La toute première, c'était la roue qui appartient au loup dormant, qui n'aime pas le champignon rouge, et qui trouve le cœur au lynx. Ensuite, et joli cœur, tu veux un mot doux, il est beau. D'accord. Et joli cœur, vous voulez un mot doux, vous êtes beau. Et joli cœur, tu veux un mot doux, surveille sa beauté. Prudent, trop beauté, être beau n'est pas ce qui est important. Ouais. Là, en soi, on a tout. Je suis très fort pour les deux animes. je vais utiliser un pouvoir magique. C'est ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que ça pourrait bien te dire? Ce sont des phrases. D'accord, et tu réfléchis un peu dans ta tête. Mais non, ça n'évoque rien. Même pas une jolie poésie, pour le coup. Je pense qu'il faut remplacer beau par quelque chose d'autre. Il ah, est... Que... Vous êtes... Surveillé... Prudence, vous pourriez perdre votre... Mais au final, être... n'est pas ce qui est important. Innocent. Ça nous avance à quoi d'avoir un autre mot? Ça change tout. Bah, ça ferait une phrase logique, quoi. Le mot et le beauté est un peu parce le que, mot qui revient. Parce que là, concrètement, on est devant quoi, tu m'as dit? Devant des... Ah, oui, là, vous venez de partir, enfin vous y ouais. étiez, en gros, mais devant la maison close. En fait, le trajet s'arrête là, devant la maison close. Une des plus importantes de la maison. On rentre? Non? Non, je crois pas. Vous voulez, hein. La narration nous a dit qu'on s'éloigne. Ah non, vous pouvez rentrer. Hein. Bah, je rentre. Vous pourriez gâcher votre vie. Je sais pas. Je rentre, au pire, j'improviserai sur le moment. Jamais! Ouais. Très bien. Tu décides de rentrer. Est-ce que tu es suivi par du coup d'autres gens? Bah, si je pense que ils sont derrière. Je vais pas la laisser y aller toute seule. Sinon, ils me couvrent. Et au pire, je mets ma main, tu sais, sur mon petit pistolet. Non, mais je vais la suivre. Cacher dans la manche ou un truc comme ça, on sait jamais. Moi aussi, je vais suivre. Je sais pas si Hugo nous suivra ou s'il reste à l'extérieur. petit peureux. Allez, quoi qu'il en soit, vous rentrez. Je pense, oui, je vais suivre. J'ai trop peur de rester dehors. Effectivement, c'est peut-être plus de rester avec les amis. J'ai peur qu'on vienne me dire que je suis beau. Vous rentrez et en fait, vous êtes accueilli du coup par une dame qui en voit. Bonjour, que puisse-t-on faire pour vous? C'est pour le groupe entier? En effet. Nous sommes beaux. Très bien. Il faut dire que la beauté est quelque chose de très, très subjectif, mais l'important c'est de croire en vous. C'est... Bien sûr, et puis il faut savoir s'en détacher aussi. Soit, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous voulez exactement? C'est pas ça. C'est qu'on sait même pas pourquoi on est là. Non mais on sait... je leur dis pas en face comme ça, mais on sait qu'on est là sous indication oui. d'Aelic, donc déjà. Oui, mais on sait pas pourquoi. Ah oui, bon sens. Nous aimons fortement les mots doux. Je vois. Non mais j'ai des filles qui sont spécialisées dans la parole, je peux vous trouver ce qui vous intéresse. En effet, les mots doux, c'est pas mal. Soit. Vous avez peut-être... C'est pourquoi, du coup, c'est pour... combien de temps? On a plusieurs forfaits par rapport au nombre d'heures que vous comptez passer. Quels sont les prix? Enfin, le tarif. Bien, ça dépend, du coup, de avec qui vous passez la nuit, mais... globalement, la première heure est offerte et le reste est au prix de là où les filles, parce que vous êtes quatre, je suppose que vous avez peut-être plusieurs filles. Une heure, c'est la première heure est gâteuse. Bien oui. À choisir, il vaudrait mieux choisir les plus bavardes. Bon, et écoutez, messieurs et dames, bien entendu. Merci. Dites-moi clairement ce dont vous avez besoin et je vous offrirai ça. Nous sommes là pour ça. C'est une maison close. Vous savez où vous êtes. Hein. Mm-hmm. Donc soit. Bien sûr. Moi. Moi exactement. Ah merde. Vous et c'est moi mais. Non, disons que nous avons croisé dans les rues adjacentes, enfin les rues de la maison, plusieurs de vos... Nous avons été aguichés en effet. de vos... Alors, je sais pas c'est bien dire, le... de vos femmes. C'est bien leur métier de devoir vous aguicher, vous comprenez. Qui, avec leurs mots doux, ont su guider nos pas et... Oui, et c'est susciter, susciter notre intérêt. Eh bien, soit, choisissons chacun une femme. Exactement. Servez-moi votre hôte la plus distinguée. Moi, la plus bavarde. Je prends une blonde. Eh bien... C'était des trucs pas prévus. Ah, merde. Eh bien, soit... Je voudrais une chambre pour moi tout seul. ça ça fait pas partie des services. Hein, vous... Ce n'est pas un hôtel. Alors, les prix, hein, je vous indique, hein, vont entre 5 sous et 2 liges avec... Ouais, mais moi je prends que la première heure. Tu verras. Qu'est-ce qu'on fait? Oh oui, ils disent ça. Alors, j'espère que vous allez... On parle des lits ou pas? J'espère que vous allez tous jouer roleplay, les gars. Je vais roleplay, hein. Pour ce qu'il en est, vous trois allez vous installer. Par contre, pour vous, monsieur, je suis désolé, mais les chambres seules ne sont pas le but de cette, de cette maison. Victor, il est comme ça. Peut-être. J'ai besoin de quoi dormir, il y a de quoi à quelques rues d'ici. Avec Victor. Un trou. Qu'est-ce que tu veux faire avec un trou? Ah bah il va venir avec moi. Allez, non mais regardez à travers. Oh le pervers. Bon il peut regarder ma chambre s'il veut. On n'a pas de système de... Bon, quoi qu'il en soit, vous avez passé du coup une soirée peut-être un peu malaisante. En vue que bah vous allez juste passer une soirée avec des prostituées tout ça. Moi je ne fais que discuter. Bon après essayons de joindre l'utile à l'agréable. Ouais je suis dans l'approche Victor. C'est le droit de faire ce que. Écoute tant qu'à faire, genre, on est tellement stressé en ce moment que un peu de détente ne fera pas de mal. Effectivement, pas interdit pour le coup. Bah oui. Quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, bon, de toute façon, quand il y a Hugo, je suppose que vous êtes deux, vous regardez dans le blanc des yeux en mode oups. Quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, il serait peut-être temps de vous retrouver. Et surtout que le temps passe. Vous sortez de là, vous retrouvez individuellement, puis en groupe, jusqu'à retourner petit à petit. Au QG, parce que c'est plus ou moins l'endroit où vous devez être, et que bientôt vos heures de boulot vont revenir. Enfin, vont arriver. Vous avez toujours, du coup, ces informations en tête. Ça a été, du coup, une nuit un peu spéciale. Vous avez un peu dérivé, mais quoi qu'il en soit, les dires d'Alig, en tout cas, ont été respectés. Est-ce que niveau trajet, vous avez tous, du coup, été... je voulais juste savoir comment vous avez appréhendé le fait de faire un trajet. Est-ce que vous avez été, vu que vous sortez d'un quartier chaud, etc., plutôt sur garde, ou est-ce que vous avez décidé de juste après l'abadourcissement de la situation, décider de rentrer au plus vite sans trop faire gaffe? Moi j'avoue que, au vu de ce qui s'est passé juste avant, je suis dans un état de décontraction assez important. Du coup, j'ai pas forcément tendance à être sur le qui-vive. Ils ont plus apathique et relax. Voilà. Moi, je fais en sorte d'amener le groupe dans des détours. S'ils veulent bien me suivre, on fait quelques détours. Alors, ouais, ça me va, je suis d'accord. Justement, moi aussi, je fais un détour dans une ruelle très très sombre et je purge mes estomacs de façon orale pour. Voilà, et parce que voilà, je n'ai pas passé une très bonne nuit. Tu peux, de toute façon, là c'est le je vomis, je dégueule. Je mais suis non, pas mais... Vous faites des détours, à raison pour le coup. la raison exactement, comme on... Dis-moi tout, Cornilov, qu'as-tu derrière la tête? Ben, ce ne sont pas des détours pour aller quelque part, mais surtout des détours pour pas qu'on trace d'où on vient. Okay. Je ne vais pas les amener quelque part. Hein, parfait. Il est beau, vous êtes beau, surveillez sa beauté, prudence, vous pourriez perdre votre beauté. Attends. Est-ce oui, bon... Ce serait pas le chemin. Non. Pas... Il n'y a pas la rue du beau. Effectivement. Ils peuvent pas dessiner. Non, mais non, ce que je veux dire, attendez. Genre... Vous pourriez perdre votre chemin, surveiller votre chemin. Les chemins, tu... Vous avez eu le temps d'y réfléchir. Ça, à vrai dire, c'est plus ou moins ce que vous avez passé votre temps, et on va passer 5 dernières minutes pour vous laisser tranquillement dessus. Parfait. Et donc, vous arrivez au QG, vous installez, vous savez que vous devez prendre le travail, donc il y en a sûrement un, peut-être, qui prépare une petite boisson pour les gens, une petite soupe de champignons, un truc comme ça, pour réveiller parfait. Après cette nuit. Et je vous laisse véritablement 4 minutes pour voilà, pouvoir discuter entre vous, réfléchir, avant que j'amorce la fin de la session. Si vous voulez, voilà, en parler un peu, voir si vous avez des premières pistes. Je vous laisse. Sachant que vous n'êtes pas obligé de effectivement trouver la solution ce soir, hein, mais si vous voulez maintenant échanger, maintenant que vous êtes retourné à quelque chose à plat, et que vous avez remarqué que bon, vous êtes sûr que ça n'a pas de lien avec la maison close en elle-même, vous pouvez maintenant voilà, discuter, échanger. Je me demande ça, vous si gardez ça en tête pour la prochaine fois. Entre le nom des rues et le fait de beauté. Si on retire beauté, je pense qu'il faut remplacer beauté par quelque chose d'autre et que c'est lié au nom des rues. Par exemple, quand on était dans la rue du Loup Dormant, on nous a dit « Il est beau ». Donc ça pourrait être « Il est dormant », par exemple. « Vous êtes beau », c'était la rue du Champignon Rouge, je crois. Donc « Vous êtes rouge ».« Il est dormant », »,« Vous êtes rouge ». Parce que « Rouge, chaud, vous êtes chaud ». Et joli cœur, tu veux un mot doux, surveille sa beauté, surveille. On était dans la rue du Lynx, il me semble, à ce moment-là. Ou alors je suis décalé d'une rue, attends. Surveille sa lynx, peut-être qu'il y a une voiture. Non, c'était la rue en première. Il est roux, attends, il est roux. Vous êtes dormant. Ouais, du coup, ça veut rien dire. Surveille sa rouge. ça veut pas rien dire. Dommage. Je vous appris pour qui est perdre. Après, clairement, je pense que c'est clairement ça que la phrase, enfin, les différents morceaux constituent ouais, une phrase. Pour moi, il faut les relier, mais je. Ouais. Attends. C'est le mot magique, c'est beau, ouais. Beauté, enfin, tout ce qui est trait à la beauté. Parce que la première personne nous a dit la roue qui appartient, donc machin, un truc. Ensuite, on allait dans la rue de la roue. Là, on nous dit il est beau. Et donc, est-ce que ça parle de la roue ou est-ce que ça parle du loup? Parce que il est dormant, vous êtes rouge. Surveillez sa sœur ou son lynx. Ouais, dans un genre bien. Son lynx. Ça pourrait vouloir dire un truc, quoi. Rouge, est-ce qu'il y a des métaphores pour ça Les syndicalistes. Au-delà de ça. Donc on est dans le quartier rouge, c'est ça qui me... Enfin, après, on n'est pas dans le quartier rouge non plus, enfin... Bah, on y était, il s'appelait pas comme ça. Non, je pense pas. Il y avait non, quelqu'un qui fait de l'écho. Il y avait le champignon rouge. Oui, mais ouais, c'est pas le quartier rouge. On n'est pas dans le quartier rouge. Oui, non, c'est pas le nom du... Voilà, c'est ça, c'est ah, ça s'apparente. C'est une manière de le dire, ok. C'est, ouais, ça s'apparente à le quartier rouge à Amsterdam, mais c'est pas le quartier rouge. Un joli cœur, tu vois. Ou alors c'est Modou qui... Non. Ouais, c'est le lynx de la ligue. Alors... Tu veux un Modou. Roux, en vrai, ça peut être interprété comme la couleur de cheveux. Donc si on cherche quelqu'un à qui parler, peut-être, ça pourrait être une personne qui serait rousse. Mais si tu veux chercher une roue, elle est ligne, il me semble qu'elle est rousse déjà de base. Il faut retourner la voir. Tu sais, elle nous envoie pour suivre quelque chose pour qu'au final, il fallait qu'on lui parle à elle. C'est il est roux. allez savoir que c'est à moi qu'il faut parler. Il est roux, vous êtes dormant ou vous êtes loup? Vous êtes dormant, j'imagine que c'est le plus proche. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut dormir dans le... bâtiment, dans le bordel? Faut dormir dans la roue. On a déjà passé assez de temps là-bas. Non, mais genre peut-être que si, genre, si tu demandes des trucs particuliers, genre quand tu vas dormir, on te réveille en pleine nuit pour... Je sais pas pourquoi, mais... si tu veux un mot doux, surveille sa beauté. Du coup, surveille, ça serait soit le champignon... Non. Oui, c'est ça, soit le champignon, soit rouge. Surveille rouge, surveille le champignon. Oh là là là là là. On est en train de te perdre. On est en train de te perdre. Je pense que... Là, ça sert à rien de... Il y a trop d'infos. On va tout mélanger, ça va t'embrouiller encore plus. Autant laisser mûrir un peu tout ça. Vous êtes... Ça toque à la porte du QG. Ah, ah. Attendez, oh, 2 secondes. Je vais... 2 secondes, là, je... Je vais ouvrir. Eh bien, tu ouvres, tu descends en bas, tu ouvres. Et tu vois un petit jeuneau portant la tenue des métropolites, mais sans badge. Tu en conclus que c'est un peu ce que vous y étiez il y a quelques lunes de ça. C'est-à-dire, bah voilà, un tout petit nouveau. Et tu vois qui ouvre. Vous êtes l'unité Inter-Empire, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça, oui. Ah, j'avais toqué plus bas et mais du coup, ils n'avaient pas compris ce que j'avais dit, donc... pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a Alceo qui m'envoie vous parler. Oui. Et il faut que vous teniez prêt parce que se prépare une réunion qui vous concerne vous avec vous qui vous sera en tête à tête avec Cagno Landini. Cagno Landini, c'était pas le mécène, enfin c'est le supérieur de CEO, celui-là qui nous a mis sur le coup du procedimento, sans le dire. Et où se tiendra cette réunion? Ouais, sûrement au bâtiment institutionnel. En fait, pour l'instant, c'est pas encore officiel, c'est Alceo qui... D'accord, qui nous tient au courant, faut qu'on soit préparé à ce qu'on nous appelle sous peu, quoi. Et voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup, le message est passé. Et bon courage à toi pour tes études. Merci. J'ai hâte de t'avoir à mes côtés en tant que métropolite. Merci. Et toi qui fais un coucou et qui part. Il s'en va. Tu fermes la porte, tu vas pouvoir prévenir tes amis. Ouais. Et la session, nous, va s'arrêter ici.